بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد طيب عندك يا محمد كم الحركات ثلاثة حركات إلى كم كم كنا عندك أربعة ستة سبعة ثمانية تسعة شو لا بيجي يعني فرصة بعد أني دون الأسماء نحن سامبوسيت كل نسوي أعتقد في كل شيء دي علامة سجل حركة الاسم الضمة الفتحة والكسرة السكون ليس في الاسم طيب وطيب المرفوع ندخل بعض نقول يا وهبي المرفوع علامة الرفع هنا كم يعني جا سكوت يكوني الأصل هي ضمة طيب يكون كا الألف والنون صار دون الفعل نطلب الأسماء النون يبقى دون الاسم أليس؟ تجي الأولاد يذهبون هنا في المضارع مرفوع وعلامة الرفع هي الأسماء الخير رجال أنا ما أبغى ده ما نيجامبل كلي يا بابا في الجمع هذا نيجامبل أنا نيجامبل فوقهم بقى مرفوع بكلية سانس لانسيني أو سي أو تلا لو de me rappeler, de me rappeler tous les exemples qu'on a eu. Non, le fait d'avoir dit le IA, c'est que tu l'as étudié ou c'est quelque chose que tu as lu? Non, c'est le fait de... Non, moi si je te pose la question, c'est pas pour te blâmer Allah, c'est juste... C'est que j'avais vu dans les derniers... Le IA, c'est pas possible. Non, mais c'est pour ça que je mélange... Ah Allah, barak fik. Moi je vous ai cité l'ism al-mufrad, vous vous rappelez? Mais c'est quoi, Ayman? J'ai al-talib. Le fond, c'est marfa. Également, quand est-ce qu'on trouvera la Dhamma? Comment? Andek? Quand est-ce qu'on trouvera la Dhamma? Non, Marfoua. Dites-moi. Jam Taksir? Ah ouais, Jam. Il y a Jam Mouanet Salim, Jam Moudakar Salim, il y a Jam Taksir. Ah ouais, si vous me dites Jam, les frères. Jam Taksir et Jam Mouanet Salim. Taï, un exemple avec Jam Taksir. الأولاد. جاء الأولاد نعم عن إجزام في جمع وان سالم جاءت المسلمات طيب إن شاء الله علامة الجر ما هي الأصل الكسرة عن إجزام طبعا في المسجد في المسجد هكذا دخلته في المسجد طيب ذهبت إلى المسجد أحسنت طيب الغيث لا أنكور On l'a pas. Il m'a la mettre le genre. Mais c'est pas la casserole, il y a quoi? Toujours en. Non, il est même non, hein, tu dis, Nadarto il a Ahmada. Ici, ça a été remplacé. On en a oublié un dans Al-Marfoua. Al-Mamnam Nassarf. J'ai Ahmadou. Taïb. En ce qui concerne le Mejrour, quand il est précédé dans Hafjar, ou quand il est Moudaf, Moudafilé, ou sinon. الممنوع من الصرف على بخ على بلاس دبوم من كثرة يبقى مغايم فتحة طيب والمنصوب لا المنصوب يكون على ما الفتحة الأصل مثال رأيت محمد أحسنت طيب يكون هذا الشيء تو بالاستان طيب كم هو في المجازين مجلة البلوريال مجلات طيب مجلة جمع مجلات إمبل عمارة عمارة نعم عمارة عمائر طيب أفتجي لا طارقيبون راكبون سانكاس فاقف نعم الرقيب الله عليهم سيكون سيكوا كم مش كان كي تسوي

كان زيد مريضا كان زيد مجتهدا إلى آخر. طيب إن شاء الله. طيب on répète vite fait, après inshallah on lit. Alors on répète, كان on a dit quoi؟ تنصب ترفع الاسم وتنصب الخبر. طيب وكان تتصرف على ماذا؟ الأزمنة الثلاث، ماضي مضارع والأمر. يعني لي 3 temps، كان يكون كن. مفهوم هذا ان شاء الله؟ après on a dit quoi il est ناقص. ما معنى ناقص؟ نعم نسيت يعني quoi il a besoin d'un اسم ده خبر كده d'un اسم ده خبر. طيب ان شاء الله. Et également on a dit quoi que le ism kana peut être un damir ou un ism dahir. Et par exemple les damir comme quoi kuntu, kunta, kunti, kuntum, zaydun kana, aminatu kanat, ila akhir. En ce qui concerne l'ism dahir, on dira quoi? Kana zaydun maridun, kanat zaynabu maridatun. Le fond jusqu'à là? Kanat, kanat. Kanat maridatun. Le deuxième signifie, je répète au cas où, si c'est Kana Zaydun Maridan. Oui, Kana Zaydun Maridan. Kanat Zaynabu ou Aminatu Maridatan. A Kada, Inch'Allah. Allah Ibarik Fik. Non, pas de mal, Allah Ibarik Fik. Tu avais dit, Yufid, était sorti le Isse. Non. Bilal, ça tu peux le trouver après. Si c'est Yuka, Tahfa. Ça, c'est un truc que j'ai dit dès le départ. Moi, ce que je vous dis, c'est dans les livres. Taïb. كان يفيد اتصاف الاسم الذي بالخبر في الماضي. C'est vrai que j'ai pas trop envie de répéter, eh bien, mais c'est pour qu'on puisse avancer. Ouais, les frères ils ont ramené les appareils, tu vois. On va les vérifier comme. C'est bon, ça va? Tout le monde a compris? Ouais. المدرس في الفصل كان المدرس في الفصل قبل خمس دقائق. طيب إن شاء الله. ميسي vous a pas donné le mansouf. Mais sinon, في الفاس après ça vous le verrez. حف جافي والفاس. Et tout ça c'est quoi? خبر كان. طيب. J'ai donné. C'était mieux si vous donniez un exemple plus simple. كان زيدون مريضا. Si vous voulez l'écrire c'est mieux. طيب. الطلاب في المكتبة كان الطلاب في المكتبة قبل نصف ساعة. أمي في المطبخ كانت أمي في المطبخ قبل قليل. طيب une chose en lisant ça je vais me rappeler une chose, le fait que kana il a les 3 temps automatiquement vous lui donnez la règle de quoi, du verbe dahaba. C'est à dire que si kana il est en début de phrase, tout ce qui viendra après il peut être mufrad, musanna ou jama. Amma idha kana al-ism qabl kana, qu'est-ce qu'il faudra faire là? Donner de l'importance. Zaydun kana. Mais faut tout le monde a compris là? Mais si vous dites al-awladu kana كانوا مفهوم هذا ان شاء الله وفات اتونسيون ا سا سي كومبري زي امينه كانت امينتان او البنتان كانتا مفهوم هذا فات اتونسيون ا سا سي كان اي كان ديبيت فراز لو اسم يبقى سينغولير ديوال او بلوريال مي سي لو نون يدي بريسيد كانا كانا il faut quoi il donne de l'importance à ce qui le précède. طيب ان شاء الله. طيب بسم الله. المدير في غرفته. تفضل يا سامي. كان المدير في غرفته قفل. فباجي قفل. pourquoi on peut pas mettre alif walam dans ghurfa? pourquoi on peut pas mettre alif walam? ouais. toi t'as dit fil غرفة. non la غرفة elle est définie là. c'est n'importe quelle غرفة il est le premier le directeur. Dans la sienne. Mais pourquoi on ne peut pas mettre Alif Walam? Toi, tu l'as lu avec Alif Walam et je t'ai corrigé. C'est-à-dire, il est Moudaf et on a dit que le Moudaf, il ne peut pas être quoi? Comme ça, ma Alifa. Ça veut dire pas, on ne dira pas ma. C'est-à-dire, il ne peut pas avoir quoi? Alif Walam. Taïf? Fi Ghurfatihi. Très bien. Qabla Sa'ati. Au suivant? Rukan al-Waziru, fi Londoni. Fi London. Fi London, qabla Ukbu'ai. Naam. Kan al-Wazir, fi London. قبل أسبوع. أسبوع. أخي في مكة كان أخي في مكة قبل أربعة. في مكة في مكة. في مكة قبل أربعة أيام. نعم كان أخي في مكة قبل أربعة أيام. كان الأطباء في المستشفى

Il ne faut pas après accalter le mosaïque à la va avant. Il ne faut pas sortir des gros waouh comme ça. Non, après c'est. Si tu t'arrêtes, tu dis à Kaltoum, al Mouz. Qu'est-ce qu'on a dit? C'est une liaison, ça. C'est déjà, c'est de la lecture, ça. Mais bon, parce que par exemple, tu dis à Kaltoum. Pour faire une belle lecture, à Kaltoum al Mouz, hein? Ah, Kaba. Barakallahu fik. Taïb. Berce Samin Grand 8, Amin Mayali. Là, alhamdulillah, il va quoi? Il va nous détailler comment on conjugue le verbe dahaba. Il est censé être appris et compris chez vous. Baraba, Zaid, hu, on dira quoi? Baraba, hu. Taïb. Le bamir ici, c'est quoi, ya Samih? Sa'el, ou mef'ul bi. Et tu nous dis comment t'as su? Sami, je veux dire, ah. Afwan. Là, on a dit daraba, hu. Al-bamir, huna, hu. C'est ça un mef'ul bi ou un sa'el? Si tu me dis c'est un mef'ul bi, tu me dis comment t'as su? Si tu sais que c'est un sa'el, tu me dis comment tu as su? Vamir, mef'ul bi. Qu'est-ce que tu as fait? C'est par rapport à la dernière lettre. C'est la dernière lettre du verbe en lui-même, il est quoi, meftouh? Darabahu. Mefhoum ala? Aïna al-fa'al? Al-fa'al. Parce que tout verbe lui faut un sujet, hein? Non. Comme tout mubtada, il lui faut un khabar. Il est où le sujet ici? Sujet ici? Ouais. Il est derrière. Regarde derrière, il est où? Où derrière? Où? Il n'y a pas. J'ai pas compris, tu me dis derrière. Non, qu'est-ce mais derrière, il n'y a pas. Non, pas derrière, tu veux dire quoi par là derrière? Ouais, mais qu'est-ce que tu voulais dire par derrière? Ah, c'est ça. Non, pas ce terme-là. Tu veux dire, moi, il est sous-entendu. Non. Normalement, derrière ça, il y a le taïd. Quand il est complet, quand il est meftouh, derrière, c'est le taïd qui est. Non, bien sûr, il suit. Pas fort, il ne sera pas obligé qu'il suit sans arrêt. Moi, je peux te dire par exemple, Varaba Zaydan Umaru. Non, c'est pas dans l'arsenal. Voilà, toi, tu aurais dû dire quoi là? Il est sous-entendu. Houa. Mustafa, t'as compris Sami? Allah ybarik fi. Voyak. Darabat zaid huwa, on dit à quoi? Darabat. Darabat hu. Aïn al fa'il huna? C'est le ta. Le khayl a dit ta. Qui est d'accord avec lui, lève la main? C'est le hu. Qui est d'accord avec lui, lève la main aussi? Le frère il a dit le ta. Bon, et après il est revenu. Il a dit maintenant le fa'il c'est le hu. Qui est d'accord, Asman? C'est ça ta réponse? Ouais. Taïb. Arzman, c'est où le fa'al? Le ta'ek sukun. Le ta'ek sukun. Qui est d'accord? Ça c'est ta'anis. Aïn le fa'al? Sous-entendu, hiya. C'est comme il vient de faire ça, hiya. Mais faut, on dirait quoi? Aminatou darabat hu. Mais faut, mada? Entabé, ya khou. Barakallahu fiik. Mais faut, Arzman? T'as pas compris? Ah, mais là, normalement, c'est conclusion, là, ça y est. Ah, c'est le ta, là, là, c'est comme il a répondu, Wahdi. Le ta, tani, c'est quoi? C'est le signe de féminité. C'est-à-dire que la personne qui a été frappée par quoi? Par qui? Par une femme. Comment tu l'as su? Il y a le ta avec le ta, tani. Ta, tani, c'est quoi? C'est sujet? Ou c'est un signe de féminité? Ah, ouais, ça, il faut l'apprendre, ça y est, là. Aujourd'hui, on va finir quoi? On va finir à conjuguer le mauvais. Inch'Allah, dans la semaine, on va entrer dans le monde arrière, là, les frères. Bah, pourquoi je vous ai dit, les frères, apprenez Zahaba par cœur. Le fond, non? Taïb, apprenez. Barabatou, Taïb. Barabta. Zahid Houa, on dirait quoi? Barabta Hou. Le fond? Apprenez. C'est à qui de lire? Taïb, fadal. Bah, vas-y. Barabta Hou, aïn el fa'al? Là, Barabta Hou. Ça, on l'a fait celui-là. Barabatou. Barabta Hou? Ouais. Tu dis où là, là, ça va? Non. Moi je viens vers toi. Je te dis l'imam darabtahu. L'imaza darabtahu. C'est qui a frappé? Le fa'al, le fa'al. Non, je viens vers toi, Mohamed. Je dis, anta, l'imaza darabtahu. Anta, zahabta? Ah, Allah, ça va. Taïb, ça c'est mukhatab. C'est qui est le fa'al ici? C'est ta. Taïb, aïn el mef'ul bi? Bamir. Taïb, Inch'Allah, les frères? Taïb. Alors, le ta ici, c'est quoi? Barabta, baraba, fi'al, wata, fa'al, wadbamir, mef'ulbi. Taïb, Inch'Allah? Taïb, on a barabat, barabti. Je parle à une sœur, là, elle est face à moi. Je dis barabti, et elle a frappé quelqu'un. Tu diras comment? Barabti,